L'écart de richesse entre les super-riches et le reste de la population mondiale n'a jamais été aussi important et cela aura des conséquences autant économiques que politiques. Telle est la conclusion du rapport annuel d'Oxfam sur les inégalités. Notre système économique est tellement déformé qu'il bénéficie à seulement 1% de la planète, plutôt qu'aux 99% restants. C'est ainsi qu'il est possible pour 8 milliardaires d'avoir à eux seuls la même richesse que la moitié de la planète. Une concentration de richesses jugée indécente par l'ONG qui s'est basée sur la liste de 8 personnes les plus riches selon le magazine Forbes. Dans ce classement, on retrouve notamment les Américains Bill Gates, Warren Buffett, mais aussi Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, fondateurs et patrons respectivement d'Amazon et de Facebook, l'Espagnol Amancio Ortega, patron du groupe textile Inditex, et le Mexicain Carlos Slim, leader des télécoms latino-américains. Chaque année, Oxfam publie ce rapport à l'occasion du forum de Davos qui se tient jusqu'à samedi pour alerter autant les patrons que leur gouvernement. Les personnes qui viennent à Davos sont des chefs d'entreprise et des personnes puissantes dans leur pays. Ce que nous voulons, c'est qu'ils rapportent un message chez eux et qu'ils agissent pour que des mesures plus progressistes soient mises en œuvre. L'ONG dénonce, mais fait aussi des propositions. Elle préconise 3 mesures principales. Lutter contre l'évasion fiscale des entreprises, s'éloigner du modèle d'un capitalisme actionnarial et s'engager sur des augmentations de salaire. La France n'échappe pas aux critiques. Selon l'étude, 21 milliardaires possèdent autant que les 40% les plus pauvres de la population française en 2016.